Analyse du 1er mai 2023. Thierry Pirlot, cher Pawan. LGBTQ+, contre patriote. Me voici en mode sherpaïste pour la complainte du gauchiste wokiste. Non, non, non et non. La transphobie ne passera pas. Un peu de tolérance dans ce monde de brutes. Soyons compréhensifs envers tous nos pédopoliticiens qui, le week-end, adorent se travestir en bébé et se prendre la fessée dans des châteaux enchantés. Ayons un minimum de compassion pour ces hommes en perte de repère et pour qui vagin et pénis ne sont en soi que des idées préconçues de genre imposées par une société rigide et intolérante. Soyons heureux et accueillons ce merveilleux monde masculin qui prendra la place de la femme pour, in fine, la remplacer. Ayons enfin ce regard d'enfant sur les mille couleurs de l'arc-en-ciel et découvrons ensemble dès le plus jeune âge et en leur compagnie les 50 nuances de gris de leur sexualité débridée et des attributs de la licorne enchantée. Donnons une chance au transhumanisme et permettons à nos petits-enfants de jouer d'une sexualité variée et assumée avec des adultes, voire des vieillards consentants, dès l'âge de 3 ans. Libérons tous ces pédos de leur souffrance. Permettons-leur de légaliser leur perversion grâce au travail acharné des spécialistes de l'OMS. Laissons-les abaisser à outrance l'âge légal des mineurs et sexualiser nos enfants dès le plus jeune âge. Les pédos méritent bien ce grand bonheur, plutôt que d'être ostracisés dans des prisons ou de connaître les affres de la castration chimique. Permettons à nos jeunes filles de 12 ans de vivre pleinement et librement leurs premiers émois avec des adultes experts et consentants dans l'amour et le respect de leur choix. Avançons vers ce monde sans hommes ni femmes. Créons cette nouvelle sorte d'humain enfin libéré de toute contrainte de sexe à la naissance. Devenons une race supérieure, asexuée ou hermaphrodite pour que IEL puisse continuer à procréer sans s'emmerder avec une ou IEL partenaire. Bienvenue dans ce monde où l'hermaphrodisme aura atteint son apogée, à l'instar du dragon de Komodo, capable de s'auto-reproduire via la parthénogenèse, considéré comme le saint Graal par les génies consanguins qui nous dirigent. Soyons donc tolérants, en ce jour de la fête du travail. Quand ces tarés transhumanistes auront transformé tous nos enfants en boucs ou en biquettes décérébrées, ils auront tout le loisir de les remplacer par de vraies intelligences artificielles. En effet, l'intelligence est en train de changer de camp, et notre génération d'abrutis lui ouvre un immense boulevard pour le plus grand plaisir de nos bergers. Cette génération TikTok qui émerge a d'autres problèmes existentiels à gérer que de s'enfermer 8 heures au travail. Comme par exemple, faire valoir ses droits à la différence, ce qui est effectivement un boulot à full time pour lequel les bergers les encouragent et les remercient de leur assiduité et persévérance. Ces derniers proposent d'ailleurs de prendre en charge tous les frais médicaux de la chrysalide pour sa grande métamorphose physique et existentielle. Alors, à tous les autres salopards intolérants, en passe de devenir transphobes, complotistes, racistes, xénophobes, antisémites, canonistes et autres joyeusetés en ist ou it, restez vigilants, car vous allez sans doute devoir vous battre pour sauvegarder votre propre mode de vie. Trèfle de plaisanterie, comme dirait le lapin blanc dans un carré de luzerne. Les jeunes enfants n'ont pas de sexualité, mais les pédosociopathes aimeraient bien qu'il en soit autrement. Leur objectif ultime et non avoué est la banalisation des relations enfants-adultes, suivie de leur dépénalisation, allant jusqu'à la destruction des familles et du modèle occidental chrétien. Le seul à le crier haut et fort à ce jour est Vladimir Poutine. Tous les parents qui s'en foutent royalement aujourd'hui le regretteront amèrement, tôt ou tard, que ce soit pour des attouchements inopinés à gérer dans les écoles ou lorsqu'ils perdront le contrôle complet à leur adolescence, lorsque la rejetonne de 13 ans ramènera un mec de 46 ans à la maison. Ces attaques sont du même acabit que celles du Covid, des picouses et du climat. Et maintenant, ils s'en prennent aux enfants de Belgique, de Luxembourg, de France et d'ailleurs. Wake up, stand up and fight! Sherpa One.